C'est pas possible ça. Attends, vous énervez pas. La radio libre de la nuit au 0800 70 000, les débats jugés dans un instant. Je voulais juste dire à Eve, si elle nous écoutait, que c'était vraiment pas sympa de sa part, parce qu'on est, on est venu te chercher. Il y a des potes à nous qui sont venus te chercher. Et là, ça s'en occupait comme par hasard. Donc Eve, je vais te rappeler dans les 5 minutes qui vont suivre. C'est Max qui va t'appeler personnellement. Et j'espère pour toi que c'est pas ton numéro privé, parce que si c'est le cas, ça sera comme Géraldine. Je peux t'assurer que tu vas manger, parce que au moins, quand on vous dit, quand on nous dit après qu'on a une grande gueule et qu'on ne fait pas, alors que l'on se déplace, si tu voulais pas vraiment à ce qu'on vienne, à ce moment-là, il fallait vraiment nous le dire, on se serait pas déplacé. C'est deux potes qui sont venus avec leur caisse. Je trouve pas ça très sympa de sa part, enfin très sympa de ta part, sauf que t'as 24 ans, donc au moins, et la décence de raccrocher pour que je puisse te parler. Sinon, on t'attend au rendez-vous encore 10 petites minutes, jusqu'à 1h15 maximum. Et puis si ça s'en occupait, je te souhaite bon courage pour la suite des nuits à venir, parce que tu vas en prendre plein la gueule, voilà. Tous les jeudis sur Fun Radio, dans le Star System. Les débats de Gérard. Et voilà, donc bienvenue à tous. Donc vous pouvez toujours nous appeler au 0803-08-5000 et 0870-5000 et toujours le 3615 code Fun Radio, rubrique direct, et surtout sur le Minitel. Évitez de me parler d'Aloco, de Christine et de Sandy, s'il vous plaît. Merci, on est bien d'accord. Donc vous pouvez toujours nous appeler. Et pour les Belges, c'est le... Manu, s'il te plaît, tu rappelles le numéro des Belges, parce que je l'écorche tout le temps. Non, vas-y, rappelle-le. Et moi. Donc 0331... 00331 47 79 5000. Voilà, donc vous pouvez toujours nous appeler à ce numéro-là. Donc alors, le premier débat, ça va porter sur le dépannage auto. Donc on va accueillir Françoise. Phénoménal. Non, merci. Pour l'instant, j'ai pas demandé au mec, j'ai demandé à Françoise, s'il vous plaît. Oui, oui, je suis là. Bonsoir, Françoise. Bonsoir, Gérard. Lola. Oui. Bonsoir. Steve. Bonsoir, Gérard, je te souhaite un excellent débat. Et ouais, j'espère, parce que t'es déjà passé la semaine dernière, non, d'accord? Non, première fois, non. Non, t'es déjà passé la semaine dernière, ok. Goldman. Bonsoir, JJ, j'espère qu'on va passer ensemble à un agréable débat. Non, mais tu vas travailler un petit peu plus, s'il te plaît. D'accord, je me réveille un petit peu plus. Donc, je disais, j'espère qu'on va passer. Non, mais tu vas parler, tu vas travailler, tu vas parler un petit peu plus fort devant ton combiné. D'accord, excuse-moi, j'ai un peu citoyen. Ouais, ben, si tu veux. Mais okay. Pour l'instant, tu vas travailler, tu vas parler un petit peu plus fort. Mais je suis en train de manger. Ah non, bah, dans ces cas-là. Non, mais dans ces cas-là, tu vas aller voir plus tard au standard. Tu vas voir comment ça. Je n'ai pas faim, Gérard. Non, mais attends, il va déjà commencer par... Laisse-le manger, vas-y, continue. Non, il va déjà commencer à fumer. Parce que dans ces cas-là, si on fait 11 questions et qu'il s'amuse à dire « j'ai faim et je mange mon fromage », il va pas répondre, ok? Attends, on te demande pas ce que t'as fait. Bon, Babi, sitter. Oui, bonsoir Gérard, je sens qu'on va bien s'amuser ce soir. Bah, ouais. On espère tous. Ouais. Et Delphine? Bonsoir Gérard, bonsoir à tous. Bonsoir. Donc alors, la première question, donc, c'est les dépannages automobiles, vous l'avez bien compris? Oui. Non mais réveillez-vous s'il vous plaît. Ouais. On a compris, la panne automobile. C'est bon. Donc alors, combien coûte un dépannage sur l'autoroute? C'est quand même, c'est la première question. Oui. J'ai une tête de garagiste. Elle est pas mal, hein, comme première question. Non mais attendez, vous n'avez pas commencé comme ça, parce que sinon, moi je vais couper vite. Gérard, cool, on y va. Allez. Alors qui c'est qui Françoise, est... Françoise, 450. Alors, 450 francs pour toi. Il est mieux. 3000 francs pour moi, Lola. Hein? Mieux, à ma droite. Lola. 3000 francs. Et pourquoi? Comme ça. Bah ouais, tu disais. J'avais déjà arrivé, j'ai payé 3000 francs. Hein? Sur l'autoroute? Ouais. Attends, mais t'as pris quoi comme dépannage? Métro. Non, mais attends, s'il te plaît, derrière. On se calme. T'as pris quoi comme dépannage? Je sais plus, je me rappelle plus le nom de la. Ah oui, mais faut s'en rappeler aussi. Non, mais attendez. Oui. Attendez, on cite pas de société de dépannage. Ah ben voilà, mais. Hein? Non, mais 3000 balles. Attends, 3000 balles. Mais Mais il y a un problème là. Ah oh ben non, non, il n'y a pas de problème, hein. Bah si. Oh, et encore, c'est pas cher, hein. Hein, 3000 francs pour faire de la panne sur l'autoroute, hein. J'étais loin, hein, j'étais sur l'autoroute, loin de chez moi, hein. Ouais, mais où, à peu près? Ah, grosso modo. Non, gros, non, attendez, s'il vous plaît, derrière. C'est qui, c'est Lola, là? Ouais. Bon, grosso modo, sans donner le nom de la ville, à peu près. Ben, à 800 km de chez moi, j'étais. Voilà. 800 3000 francs. 3000 balles. Ouais. Oh. Attends, mais là, moi, je pense que c'est un peu trop cher pour... C'est de l'arnaque, non? Non, c'est de l'arnaque pure et simple. Hein. Oh, c'est de l'arnaque. Non, là, c'est de l'arnaque. Bah ouais, mais bon, je me suis pas arnaqué. Ah, ouais, ouais, je pense, à mon avis, tu t'es fait avoir. Non, ouais, ouais. Françoise, pourquoi? Oui, oui. Non, je t'écoute, hein. Moi, j'ai dit 350... D'accord, Françoise. Alors, 300... 350, d'accord, ok. Mais alors, 350, mais sur l'autoroute? Oui, sur l'autoroute. Attendez, s'il vous plaît, derrière. Ouais, mais attendez. C'est parler Françoise. Attendez, s'il vous plaît. Ouais. Là, il y a Lola qui a répondu, il y a Françoise. Mais de toute manière, je vais vous demander vos opinions. Putain. À tous. Non, il n'y a pas de putain, d'accord? C'est pas ça, c'est que si jamais je trouve pas une prise pour brancher le portable, bah, jamais je vais pouvoir vous entendre parce que ça va couper, parce que j'ai plus de batterie. Bon, alors dans ce cas, sur un portable, je ne prends pas. Merci. Non, mais attends, c'est le tout nouveau. Non, je prends pas de personne sur un portable. Alors, il est tout neuf, le truc, il est pas. Non, alors, Françoise. Oui. Oui. Donc 350 pour toi. Ben 350, tout dépend du parcours où t'es des pannes. Mmh. Et puis bon bah pour amuser la galerie, si tu lèves ta jupe, ça coûte encore moins cher. Non mais attends Françoise. Ouais. Non mais c'était pour déconner là. Françoise a levé ta jupe. Surtout si t'as pas de culotte, Françoise. Non mais attendez s'il vous plaît. Eh hey, Françoise, oui. Tu me dis 350. Ouais. Sur autoroute? Oui, sur autoroute. Mais alors, comment tu peux faire, vu que t'as pas de voiture? Bah, et la voiture à mon fils? Ouais, mais René. Eh ben René, il est juste à côté, mais il faudrait que je lui demande. Non, bon, bah d'accord, Françoise. Non, bah c'est bon. Bon, Steve. Ouais, ta question, c'est en France ou à l'étranger en France? Combien coûte un dépannage sur l'autoroute? On cherche pas si c'est en France ou à l'étranger, d'accord? Moi, en France, j'en sais rien, parce que je suis jamais en France, je suis toujours à l'étranger. Bon, bah alors, dans ce cas-là, Non, mais attends, ici, ouais. T'essayes de te réveiller, s'il te plaît. Je suis parfaitement réveillé, là. Pour une fois, cette semaine, j'ai pas bougé, je suis resté en France. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Lola, en fait, ça lui a coûté 3000 balles. Donc elle s'est fait vraiment arnaquer, quoi. Moi, ça m'a coûté 2900 francs et nickel, quoi. Eh ben alors, toi aussi, tu t'es fait arnaquer. Elle, ouais, moi, non. C'est déjà plus honnête. Bon, attends. Plus honnête, tu rigoles. Attendez. Ouais. Vous n'allez pas vous battre, là. On va essayer d'éclaircir tout ça après. Goldman. Oh, Goldman. Attends, il avait un problème de batterie. Laisse-le, il bouffe, Gérard. Non, Goldman, c'est pas la bonne. Bon, je gère, Gérard. Goldman, c'est bon. Oh! On nous demande c'est combien un dépannage sous un pont. Est-ce que c'est plus cher que sur l'autoroute? Non, mais j'ai prévenu. Sur Minitel, mais non, mais c'est pas pont de l'Allemagne. Attends, ça n'a rien à voir. Sous un pont, sur quel pont? Pont de Billancourt. Par exemple, sous un pont quelconque. Ouais, mais attends, pont d'Avignon. Différents ponts. Ah oui. Mais sous le pont de l'Allemagne, je crois que c'est gratuit parce que c'est un corbillard qui arrive. Bon, Steve, s'il te plaît, tu vas te calmer. Steve, calme-toi, ça te fait pas Steve, tais-toi, toi. Vous allez vous calmer parce qu'il y a des voix que je reconnais, d'accord? Donc, babysitter. Bonsoir. Donc, oui. Bon. Le dépannage, moi, j'ai pas de caisse. Ah, t'as pas de question? J'ai pas de voiture. Non, bah alors, allez, babysitter. Attends, je vais avoir une voiture pour participer à ces débats aussi. Attends, s'il te plaît. Je vais avoir une différence d'âge. Entre vous, c'est une arme, c'est qu'on plus de voix. Eh, babysitter, oui. Pour l'instant, c'est moi qui gère le débat. Si tu veux pas répondre aux questions, ce n'est pas la peine. J'ai envie de mener des débats comme il y a 15 jours. Je passe correctement les deux. Mais si tu cries, tu pourras pas y arriver. Non, mais attends, s'il te plaît, Manu. Moi, je veux des débats corrects. Je veux répondre sur les deux questions. C'est vrai, on veut des débats. Ah, en fait, j'ai fini de manger. C'était bon, hein? Ouais, j'ai fini. T'as bouffé quoi? Bon, Delphine. Oui. Pour toi. Bah moi, je ne sais pas du tout, parce que je suis jamais tombée en panne sur l'autoroute. Ouais, mais est-ce que tu as une voiture? Oui, j'ai une voiture. Oui. Non, arrêtez, s'il vous plaît, de demander quoi. D'accord. On ne cite pas de marque. Elle est rouge. Ouais, mais on s'en fout de la couleur. On s'en fout. J'irai pas payer jusqu'à 3000 balles, non. Bon. 2009 à la rigueur, mais... Ouais, 2009. T'as vu, Gérard, c'est Steve. 2009, c'est honnête. 3000, non. Non, mais même. Mais attendez. Vous croyez que vous avez payé 3000 balles un dépannage sur l'autoroute? 2009, Gérard. 2009. Allez, Gérard. Oui. Gérard. Oui. C'est François. Oh, s'il vous plaît, Gérard. Oh là, ça commence à bien faire, là. Gérard. Ça commence, j'aime pas trop ça, à 1h13, hein. Gérard. Oh, s'il te plaît, Steve, Gérard. Allez, Françoise, à toi de répondre. D'après mon fils, il faut compter à peu près 600 balles de dépannage. Oui. Hein? Non. 600 balles de dépannage. Ouais, non, c'est plus cher. Attends, 600 balles... 600 francs. Ouais, mais d'accord, 600 balles, à mon avis, tu te fais arnaquer. Gérard, pour les pannes sexuelles, tu prends combien? Bon, attends, tu dégages. ça, les pannes sexuelles... Non, mais est-ce que t'as besoin d'une dépanneuse? Enfin, d'une dépanneuse? Attends, dans ce cas-là, ils font le débat à ma place, et puis c'est bon. Non, mais c'est le débat, c'est les pannes sexuelles. Attends, pour l'instant, c'est pas le thème du débat, on est qu'à la première question. Excuse-nous, Gérard. Deuxième question. Hein, Pildar, je crois que mardi, on s'était mis d'accord. Et je voudrais qu'on le fasse comme la semaine dernière. Donc moi je reviens sur Lola. Oui. Donc Lola, à mon avis, tu t'es fait avoir. Bah ouais, mais bon, ça arrive. Ouais, mais c'était sur autoroute ou... Sur autoroute, 3000 balles. À Marseille. Tu roulais vite ou pas? Ouais. Non, il n'y a pas de savoir si elle roulait vite ou pas. Mais attends. Non, mais... Tu me dis, attends, 3000 balles. Ouais, 3000 balles. À Marseille. Hein? À Marseille. À Marseille, c'est des voleurs, voilà. Attendez, j'ai peut-être une réaction. On a un dépanneur. Là, j'ai peut-être une réaction. Attendez, s'il vous plaît. On se calme, merci. C'est le dépanneur. S'il vous plaît. Oui. Alors, à Marseille, moi, sur l'autoroute, j'ai l'habitude, c'est jamais plus de 2005, quoi. Il faut être clair, hein. Sinon, ils se font arnaquer. Pour moi, merde. Ah oui, c'est clair. Ouais, mais... On n'est pas plus voleur à Marseille qu'ailleurs. Une question que je vais te poser, dans ces cas-là, si tu fais Paris-Marseille, tu tombes en panne, admettons à Lyon, il va te prendre combien de dépanneur? Oui, mais il va t'amener dans un garage à Lyon, il va pas te ramener à Marseille, le mec. Ah ouais? Il va te prendre 349 francs de TTC. Ouais, TTC. Mais après, ouais, mais... Maintenant, si tu prends la bagnole en fourrière, c'est 600 balles plus le PV à 230 balles. Ah, d'accord. Si tu prends la majoration, ça peut monter vite à 6000 balles. Hein. Ça peut aller à 2500, pas plus. Ouais, 2500. Ouais, mais dans ce cas-là, admettons que tu tombes, t'es déjà arrivé, admettons que tu tombes en panne sous le tunnel de fourrière. Oh, s'il vous plaît, vous vous calmez derrière les mecs qui disent ça, hein, ok? Là, pour l'instant, je suis en train de poser des questions. Oh, s'il vous plaît! On se calme. Merci. Là, on se croit en guerre. On se croit à la guerre. Saddam Hussein, il est avec nous. On dirait un interrogatoire. On n'a pas l'impression que... Est-ce que tu viens pour t'amuser, Gérard, ou est-ce que tu viens parce que c'est une obligation? Je voudrais que si, mais... Non, mais tu m'auras rejoint de venir avec le crâne rasé, l'armée, et de faire leur lieu carré. On est là pour s'amuser, donc tu gueules comme 1h15. Que tu t'énerves vers 3h, mais 1h15, smile. Ouais, dans ces cas-là, on demande à Steve, à Babysitter, de se calmer parce que c'est des habituels tout ça. C'est peut-être des habitués, mais il faut toujours que tout le monde se calme. Il faut surtout pas que les gens parlent avec toi. Non, je repose la question. Je repose la question. Donc sous le tunnel de Fourvière, par exemple. Ouais, mais attends. Attendez, s'il vous plaît. Si tu poses la question à quelqu'un de Marseille, le mec, il passe pas sous le tunnel de Fourvière. Il y a trop de pollution. C'est pas un endroit où on passe. Mais oui, mais c'est là où on tombe en panne. D'ailleurs, on peut rien faire. On passe plus là. Oui, mais d'accord, il y a des contours. Oui, il y a un contour. Mais admettons, avant qu'il y ait des contours et qu'on tombe en panne, tu sais. Donc, combien qu'on prend le dépanneur, à peu près? Moins de 2005, normalement, quoi. D'accord. Mais c'est beaucoup moins cher que sous le pont de l'Alma, toi qui es dépanneur. Bon, Fulgard, s'il te plaît. Non, c'est-à-dire, à l'époque, sous le pont de l'Alma, c'était plus cher parce qu'ils avaient remplacé le Zouave par une bouteille de Coca-Cola. Parce que Zouave d'aujourd'hui, je sais pas si tu te rappelles du 16 ans. Ah, ouais, Gérard, j'ai aussi une réaction Minitel, un témoignage de Yo-Yo, qui dit « Moi, j'ai eu un accident fin août avec ma Fiat Uno blanche et ça m'a coûté 2500 balles. Là, je vais te dire une chose, tu vois, Manu. Manu, s'il te plaît, tu as calmé ces questions Minitel parce que j'en ai ras-le-bol. Ou sinon, le Minitel, on va le couper. Pourquoi? C'est quoi de méchant? Non, parce que Fiat Uno, ça a un rapport avec l'UDD, d'accord? Ah, je savais pas. On va se calmer. On va se calmer. À l'antenne, merci. Donc, tout le monde a répondu? Oui. Goldman, il est là, il peut répondre. Alors, Goldman, maintenant, si tu veux répondre. Ah, tu vas me dire encore que je suis endormi. Bon, d'accord, merci. Voilà, comme ça va plus vite. Appelez-vous souvent un dépanneur pour votre voiture ou votre moto? Non. Alors, qui non? Moi, Lola. Voilà, vas-y. Bah non. Je me débrouille avec des copains qui savent savent faire de la mécanique. Sinon, ça coûte trop cher. 3000 francs, ça coûte cher. Non, mais attends, Lola. Lola, oui. Lola, oui. Là je te demande pas combien coûte un dépannage. Ouais. Je te demande, appelez-vous souvent un dépanneur pour votre voiture ou votre moto. Lola, oui. Je pense que t'as pas dû comprendre. C'est, est-ce que t'appelles, par exemple, tu te promènes dans la rue, est-ce que t'appelles un dépanneur si t'es en panne? Merci pour celui qui s'amuse à éjecter derrière parce que là ça commence à m'énerver là. Non, j'appelle des copains qui s'y connaissent en mécanique. Mm-hmm. Voilà. D'accord. Françoise? Oui. Je peux pas répondre parce que, étant donné que mon fils est mécanicien. Wow. Ah, ben, d'accord. Alors, donc, c'est difficile à te répondre sur cette question-là. Ok. D'accord. Steve? Mais écoute, moi, j'appelle souvent un dépanneur. C'est un pote, hein, il s'appelle Thierry Henry. Et je l'appelle souvent parce qu'il est... Pas parce qu'il est dépanneur, mais parce que c'est un pote à moi, quoi. On joue tout ensemble. D'accord. T'es prié d'éviter de dire les noms, s'il te plaît, merci. Non, je t'ai donné deux prénoms, hein, c'est pas un nom. Hein. Oui, mais t'évites, d'accord. Non, je t'ai donné ses deux prénoms, son baptême et son premier prénom. Oui, mais t'évites, s'il te plaît. Donc, alors, je dis même pas les prénoms? Non, tu dis rien du tout, alors, d'accord. T'appelles comment? Ok, t'appelles merci. Comment, non, mais c'est bon. Babysitter. Oui, moi aussi, j'ai un pote qui est mécano, qui s'appelle Zed Zidane. Et bon, vas-y. Alors... qu'est-ce qu'il y a? T'as dit un prénom? Mais non. Bon, Fildar, s'il te plaît. C'est un surnom. Tu me le calmes. Babysitter à Steve, s'il te plaît. C'est un surnom. S'il te plaît. Tu me les calmes tous les deux. Ok, Gérard. Donc, Delphine. Delphine. Oui. Moi, j'appelle un dépanneur surtout pour ma machine à laver. Non, mais je parle de voiture auto. Non, mais attends, Delphine. Oui. On parle de dépannage auto. Oui. On parle pas de machine à laver. Oui, mais bon, ça sert aussi les dépanneurs pour les machines à laver. Oui, mais pour l'instant, on fait un dépannage auto. D'accord. D'accord. Non, moi, je l'emmène toujours chez le garagiste dès qu'il y a un petit truc. Oui, mais c'est-à-dire... Bah, alors, attends. Bah, appelez-vous souvent un dépanneur non, pour votre voiture ou votre moto. Bah, admettons, attends, moi, je vais te poser une colle. Là, je sais pas si tu veux me répondre. Oui. Est-ce que Lola et Françoise... Oui, hein. Moi, je vais vous poser une colle à toutes les trois. Oui, est-ce que vous appelez un dépanneur lorsque votre batterie est en panne? Ah, ça, c'est une colle. Hein? J'ai pas compris, là. Bah, quand ta batterie de ta voiture est en panne. Ouais. Est-ce que tu appelles un dépanneur? Bah oui. Non. Qui? Françoise. Oui. T'es pas obligé d'appeler un dépanneur pour la bonne raison, c'est que t'as des fils que si t'as une bagnole... qui peut te dépanner, à ce moment-là, tu branches tes fils de dépannage. Il faut voilà. Attendez, s'il vous plaît. Dans ces cas-là, moi, je vais te répondre, Françoise. Si, par exemple, tu n'as pas les cosses pour dépanner la voiture... Oui, mais la voiture que tu demandes, si elle les a, à ce moment-là, elle peut te dépanner. Mais Françoise... Oui. Françoise, admettons que la personne... que tu appelles pour te dépanner n'a pas les cosses pour ta batterie. Tu fais quoi? Même si c'est un dépanneur, il n'a pas de cosses, c'est pas un dépanneur. Hein. Oui, non, mais attends, c'est qui? C'est Delphine. Delphine, oui, mais Delphine, je pense que tu as subi... Ouais, mais t'as subi la question que je voulais dire. Oui. C'est par exemple... Oui. Mais admettons que tu n'as pas le temps d'appeler un dépanneur, que tu n'ailles pas la bande sur la route. Non mais Gérard, quand t'as un problème avec la batterie, il faut appeler EDF directement. Hein, non mais attends, mais qu'est-ce que EDF va faire plus d'heures au standard. Mais qu'est-ce qu'il y a, c'est électrique. Il peut parler Gérard. Il n'a pas le droit de se tromper. Mais qu'est-ce qu'on va foutre avec EDF? Mais parce que c'est électrique, je sais pas moi, je suis un peu con sur les bords, tu comprends? Bah oui mais t'es con, mais tu resteras con toute ta vie. Exactement Gérard, c'est à toi de lui apprendre, voilà, c'est pas la peine de gueuler, essaye de lui expliquer. Dans ces cas-là, moi je réponds à Françoise, si par exemple quelqu'un vient te dépanner, que t'es en pleine cambrousse, et que t'es en panne avec ta batterie, que personne n'a de cosse, pourquoi t'as des cosses? Oh, des cosses, c'est pour faire quoi? Ouais, c'est Steve, moi je suis venu en Irlande du Nord. Okay, c'est pas mal aussi. Ouais, donc les gens sont un peu plus distants. Ouais. Non, Gérard, c'est quoi des cosses? Explique. Les cosses, c'est des trucs qui vont sur la batterie pour pouvoir la démarrer. On est bien d'accord. Ah ouais. Le pays de Galles, c'est pas mal. Non, t'as le pays de Galles, tout à l'heure, tu vas dégager, tu vas voir si ça va être le pays de Galles, toi. Ouais. Ouais, Gérard. Tiens, Gérard, à la place de Goldman qui est tombé en panne, on accueille Zarbi. Salut Gégé, salut à tous. Salut Zarbi. Salut. Ça va, c'est bien. Excusez-moi, on nous dit, il y a un témoignage sur le Minitel, encore yo-yo, oui. Où on nous dit qu'on peut se faire refaire le pot pour 250 balles au bois de Boulogne. Bon, alors, la vie en tête, tu sais ce que tu vas me faire? Tu vas me le couper parce que j'en ai marre. Mais qu'est-ce qui se passe pour toi? C'est rien que des conneries, tu vas me le couper. Tu me l'éteins. Tu peux appeler Alan qui l'a cherché une plastique, prends une scie à métaux dans le local technique. Non, tu vas pas appeler Alan, tu me refermes le Minitel, c'est tout. Comme ça, au moins, je serai tranquille. On n'aura pas le fond de l'Allemagne. Le pont de l'Allemagne? Le pont de l'enfantiste à l'Allemagne. Allez hop, tu me le... Non. Il est coupé, on ne peut pas. On ne peut pas le couper, Gérard. Oh, arrête un peu. Non. 1h23, pour l'instant, tous les gens sont bien, il n'y a qu'une personne qui est chiante, c'est toi. Ouais, ben, dans ces cas-là, il n'est pas les messages. Je vais un peu à l'antenne, ça fait 23 minutes que tu gueules, ça fait 23 minutes que j'entends les auditeurs qui sont bien. Moi, ça va aller vite. Ah, bah, je sais que ça va aller vite avec... Troisième, choisissez-vous la borne ou l'eau sop. Rigole un peu, à qui, si c'était pas pour rigoler. Choisissez-vous la borne ou l'auto sop. C'est bizarre. L'auto-stop. Oui. Pourquoi? Bah parce que t'as plus de chance de te faire ramasser comme ça pour aller plus vite vis-à-vis du garage. D'accord. Lola? Ouais, pareil, moi aussi. Autostop. Steve, comme ça, t'as plus de... Choisissez-vous la bande ou l'autostop, c'est ça? Ouais. Comme tu veux. La bande. Ouais, quand tu seras réveillé, tu me feras signe, ok? Attends, je sors du resto et tu parles fort, tu me fais mal à la tête, là. Ouais, si ça te plaît pas, mon pote, tu dégages. Ça me plaît, Gérard, ça me détend. Zarbi. Bah, je préfère l'autostop et de loin à la bande. Ouais. Pourquoi tu vas me dire? Bah tout simplement. Babi, c'est toi. Allô? Babysitter. L'autostop aussi. Babysitter. Oui, je préfère l'autostop. Pourquoi tu vas me dire? Et tu vas me couper? Ouais, vas-y. Attends, j'ai pas fini là. Vas-y, je t'en prie, Zarbi. Ouais, quand même. Putain, comment il se vénère. Ouais. Delphine, oui. Et pourquoi tu laisses pas tchatcher Zarbi, Lasca? Ouais, laisse tomber, lâche la ferme, c'est bon, laisse-moi ce standard. J'ai fait pile ou face, alors je préfère la borne. Et pourquoi? Parce que ça aurait été face, j'aurais dit l'autostop. Ouais, d'accord, quand tu parles plus fort devant ton combiné, ça me fait plaisir. C'est babysitter, moi je préfère l'autostop parce que j'aime bien me faire ramasser par des routiers vicieux. Ouais, ben dans ce cas, tu donneras ton vrai nom, d'accord? C'est babysitter. Non. Mon prénom, c'est pas. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ibrahim? Non, c'est pas, le nom c'est babysitter. Ouais, c'est ça. T'as raison. Et toi, Gérard, tu préfères quoi? Aucune des deux. Et pourquoi? C'est bon, on a plus le temps, c'est bon. Pensez-vous qu'il faut diminuer les dépanneurs? Quoi? Bah là, on finit à 2h. Hein. Qu'est-ce que t'as dit, Gérard? Pensez-vous qu'il faut diminuer les dépannages? C'est-à-dire les gens qui viennent vous chercher quand vous êtes en panne? Bah non, faut diminuer. Bah non, au contraire. Bah non! Qui non? Bah on peut leur tirer dessus. Tu peux pas expliquer plus. Tu peux pas expliquer ta question, Gérard, pour qu'ils comprennent les auditeurs. Oh, c'est nous qu'il faut diminuer les dépannages, c'est tout. Non, mais je t'ai pas dit de la relire, je t'ai dit de l'expliquer, nuance. Mais les diminuer dans quel sens? En les augmentant? Non, les diminuer, c'est-à-dire en supprimant des sociétés de dépannage. C'est-à-dire, tu fais du carrément avec un bulldozer ou faire des chômeurs encore en plus, c'est ça que tu veux? C'est faire des chômeurs à la France? C'est bizarre hein, comme histoire ce que tu nous dis là. Hein. C'est ça que tu veux? Cette question, Gérard. C'est quoi cette question là? Qu'est-ce qui se passe hein? Gérard, c'est Steve. Je sais pas, je peux te balancer une théorie économique, tu sais, sur les fusions, les lois antitrust, hein, tu veux? Ouais, on t'écoute, de toute façon on est mal paré là, vas-y. Voilà, pour relever le niveau quoi. Je te sens agressif, Gérard, aujourd'hui, qu'est-ce que t'as? Je sais pas. Je crois que je t'ai vu lundi dans le métro. Donc c'est Steve, ouais, donc... putain, y'a plus personne ou quoi? Bien sûr, on est là, Steve, t'inquiète, on te laisse pas. Et si on faisait un enfant ensemble? À quoi? Un enfant. Il est en route. Ah, génial. Allez, vas-y, Steve, réponds. Ouais, j'étais, donc si on supprime donc les sociétés d'épanage, comme le veut apparemment Gérard, c'est vrai... Calme-les, d'accord? Mais ils sont calmes, Gérard. Oh. Quoi? Ils sont calmes. Ils sont calmes. Bon, Françoise, oui. Pour toi. Voilà. Ça fera du chômage, j'ai dit. Non, mais est-ce que tu penses qu'il faut les diminuer ou pas? Non, justement. Parce que si tu les diminues automatiquement, ça fera du chômage. Eh ben voilà, voilà. Voilà ce que je veux dire. Bah oui, voilà. Bien, c'est super. Lola. Bah non, parce que après il y aura beaucoup de gens qui seront dans la galère, des gens qui seront en panne et tout. On pourra même pas appeler les sociétés, etc., etc. Non, faut les laisser, hein. Mmh. Voilà. Et Steve? Bah, je t'ai déjà répondu, mais si tu veux, je te réponds comme tu le veux. Bah, disons que si on supprime, bah, c'est pas bien, parce qu'après, on supprime et c'est le chômage. Mmh. Ouais, d'accord. Voilà. Ouais, je pense que t'as pas dû écouter ce que Françoise t'a dit, hein. Ah ouais, c'est vrai que c'est très différent ce que j'ai dit, ouais. Mmh. Zarbi? Bah, moi, je tiens ça de ma grand-mère, donc... Ouais, d'accord. Zarbi, tu peux aller te coucher, hein. Bah, attends, c'est bon ce qu'il dit, hein. Non, mais attends, il tient ça de sa grand-mère, non, mais n'importe quoi. Babysitter, il te lance un message. Subliminal. Mais il comprend rien, putain. Babysitter. Ouais. Non, je suis comme Françoise, moi je trouve que ça fait trop de chômeurs. Et c'est pas bien, t'as pas une question sur ça. Non, j'ai pas dit que ça faisait trop de chômeurs. J'ai dit si on les enlève, à ce moment-là, ça fera du chômage. Voilà. Non, c'est n'importe quoi. Si on les enlève, ça fera pas de chômage. Bah si. Ouais, je commence à en avoir marre entre Steve et Babysitter. Tu commences à gueuler là, tu commences à me saouler, hein. Toujours. Ouais, si t'es pas content, tu dégages, ok? Eh, faut arrêter les enfers, hein. Delphine. Eh, non, mais attends. Attendez, Delphine. Ah bah, apparemment, je crois que vous avez pas compris mardi. Non mais on va être obligé d'abréger à 3h parce que c'est tu gueules, y a pas de mouvement. Par rapport à il y a 15 jours, il y a une semaine, tu rigolais, là ce soir c'est n'importe quoi. Oui mais pourquoi? Mais t'es mauvais poil. On l'a eu la semaine dernière. Et Babysitter c'est déshabituel. Alors j'en ai ras le bol. Alors maintenant on va mettre un disque et vous me changez toute la liste. Merci. On écoute quoi? Les numéros de téléphone et tout, Gérard. Donc 0803-08-5000 et 0870-5000 et toujours 3615 cause Fun Radio, rubrique directe. Tous les jeudis sur Fun Radio dans le Star System. Les débats de Gérard. Alors, c'est la fête. T'es d'accord, Manu? Allez. Ah ben non, mais j'aime bien le standard. Oh non, pas pour le moment, tout à l'heure. Non. Tiens Gérard, t'as des nouveaux auditeurs, des tout frais, des tout gentils et qui t'embêteront jamais. Et il t'en manque un, mais je te le ramène tout de suite, hein. Voilà. Allô. Ouais. C'est super. C'est des bâtiments. Bonne humeur. 0803-08-5000, 0870-5000, mini radio. C'est pas ton boulot, Manu. Pardon, Gérard. Ça fait quoi? Mamie, il fait pas. Françoise. Françoise, bonsoir. Oui, je t'écoute. Rebonsoir. Oui, rebonsoir. Lola. Voilà, rebonsoir. Fanta. Bonsoir. Bonsoir. Sébastien. Ouais. Bonsoir. Salut. Et Delphine. Oui, rebonsoir. Rebonsoir. Donc, pensez-vous qu'il faut diminuer, Vincent, on a fait la question. Quand vous appelez un dépanneur, attendez-vous longtemps? Ouais, vous vous réveillez ou quoi, là? Attends. Quand vous appelez un dépanneur, ouais. Attendez-vous longtemps. Olivia, c'est le top. Non. Dégage. Olivia, tu dégages. Il faut compter au moins un quart d'heure, 20 minutes. Non, Fanta, je dirais plutôt 30 minutes, quoi. Bah, un quart d'heure, 20 minutes, c'est rapide, Gérard. Non mais attendez, François, attendez, on va pas s'énerver. D'accord, alors juste bien la question. Attends, bah juste avant que tu reposes la question, on accueille Sandra à la place de Zarbi, qui a 28 ans et qui habite à Royan. Bonsoir. Bonsoir Sandra. Bonsoir, bonsoir à tous. Oh. Et qu'est-ce qu'ils ont ce soir? Qu'est-ce qu'ils ont? C'est le début du mois de mars et tout le monde dort. Bah oui, ouais, ils sont comme toi, ils ont la règle. On est pas des filles, on bourgeonne. Ouais, ben, vous bourgeonnez, mais ouais. Peut-être vous réveiller. Eh ben, on se réveille, hein. Bon, alors, je répète la question. Oui ou non? Ah, moi, j'ai répondu, hein. Je répète la question. Oui, oui. Quand vous appelez un dépanneur, attendez-vous longtemps? Oui ou non? Non, moi, j'attends longtemps. Ah, celui qui s'annonce derrière à dire oui, j'en ai rien à foutre. Moi, je t'ai répondu, je t'ai dit à un quart d'heure, 20 minutes. D'accord. Et quand je te réponds, je te disais que j'attendais 30 minutes. Attends, ben, attends. Hé, Gérard. Lola. Attends, deux secondes, je gère. Mais les gens, ils raccrochent dans mon marre. Moi, je te donne 5 minutes pour se détendre, sinon on a... Bon, allez, hop, tu mets deux disques. Non. Gérard, on va répondre. Les gens, et du respect pour les gens qui écoutent la radio. J'ai jamais vu ça. Ça se passe bien, tu t'énerves tout seul. Tout seul. Tu fais rien de bien, là. C'est zéro. J'écoute, c'est nul. Fanta. Oui. Donc, pour toi. Moi, je disais que j'attendais 30 minutes maximum. T'attends une demi-heure? Oui. Même sur le bord de l'autoroute, alors? Même sur le bord. D'accord. Sandra. Bon, elle est plus là. C'est elle qui a raccroché. Françoise. Oui. Donc, toi. Ben, je t'ai répondu à un quart d'heure, 20 minutes, à peu près. Un quart d'heure, 20 minutes. Lola. Ouais, j'ai déjà dit 5 à 10 minutes, c'est très rapide. Hein. Hein? C'est 5 à 10 minutes, j'attends. Même sur le bord de l'autoroute, t'attends 5 à 10 minutes? Ah ouais, ils vite fait, hein. Ils mettent le turbo, hein. Moi, je peux dire une chose que j'attendrai. 5 à 10 minutes, t'es généreuse, hein, Lola. Mais c'est pour ça que t'as payé 3000 balles. Oui. Ouais, mon avis, c'est pour ça. Hein. Service compris. Ah ouais, mais non, mais je pense que. Là, je pense que 5 à 10 minutes, tu vas vite, hein. Bon, enfin, bref. Moi, c'est tout, hein. Donc, Fanta m'a dit une demi-heure. Oui. Sébastien. Ouais, pareil. Ouais. Combien? Bah, pareil. Bah, quoi, pareil? Pareil, quoi? Un peu plus, quoi. Mais quoi, pareil, quoi? Un peu plus? Bah, qu'avant, quoi. Un peu moins, quoi. Oh, mais Sébastien. 5 minutes, quoi, 5 minutes. 5 minutes. Sébastien. J'attends 5 minutes, pas plus. 5 minutes. Sébastien. Ouais. Sébastien. Je te demande, quand vous appelez un dépanneur, attendez-vous longtemps. Mais donne-moi un chiffre. Bon, 5 minutes 32 à peu près. Non, 5 minutes 32. Mais attends, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre des 32 minutes Non, bah non, il y a les minutes et les secondes, Gérard. Mais en tout, t'attends combien de temps? Bon, attends, on va dire 5 minutes 30, on va arrondir. Bon, t'attends 5 minutes, c'est tout. Tu mets 5 minutes et tu mets pas les secondes. Bon, bah, donc, t'attends pas, 5 minutes. Donc 5 minutes, pour toi, le mec, il va aller rapidos. Ah bah ouais, pour 3000 francs, vaut mieux quand même. Bah oui. D'accord. On accueille à la place de Sandra, on accueille Cécile, 22 ans, de Lille. Bonsoir Cécile. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir Cécile. Donc, Cécile, pour toi. Attendez, j'ai pas entendu la question aussi. Alors, quand vous appelez un dépanneur, attendez-vous longtemps? Une demi-heure, en gros. Une demi-heure. Donc, ouais. Ça dépend là où t'es en panne. Ouais. D'accord. Ok. Delphine? Bah moi une fois je suis tombée en panne avec une copine. Là. Voilà. Ça va mieux. Je pense que le deuxième il va pas se passer comme ça. Je pense que c'est pas moi, alors voilà. Non, mais tu le fais exprès ou quoi là? Ah, mais ça c'est ouais, clair. Je le fais exprès, ouais. Ouais. Non, mais continue. C'est pas moi, vas-y, dis-moi de dégager, dis-moi de dégager. Non, mais continue si tu veux. Comme ça, ça ira plus vite. Enfin. Moi, je peux vous dire une chose que j'attendrai pas moins d'un quart d'heure hein, sur le bord de l'autoroute pour avoir un dépannage. Hein. Pourquoi? Moi, si sur la borne, t'es à côté de la borne. Moi, je commence à en avoir Radio, c'est le meilleur mix à suivre. Bon, allez, Morgane, Fun Radio. Mais tais-toi, Morgane. Fun Radio. Fun Radio, c'est Fun Radio, Fun Radio, Fun Radio, Fun Radio, Fun, Fun, Fun. Ça passe à l'antenne. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est bon. Ah, c'est merveilleux. Ah, enfin. Ça passe à l'antenne. Gérard, retourne à l'antenne. Retourne à l'antenne. Ah ouais, c'est bon, c'est bon. Vous êtes là, les auditeurs. Ouais, je crois qu'ils ont cru qu'on était piratés. En fait, c'est un problème de bouton. Non. Mais non, parce que, mais non, mais tout à l'heure, il était commuté, je l'ai enlevé et ça passe quand même, ça passe quand même, donc. Non, mais non, faut se calmer là, hein. C'est pas parce que tu ne peux plus partir de l'équipe que tu as pour pas mais c'est pas lui, oh. Hein? Morgane, c'est pareil. Ah, c'est pas moi. Morgane, il fait son boulot, il fait un bouton, t'appuies sur un bouton, ça passe, là ou quoi? Ouais, ça passe. Allô, allô, allô? Ouais, allô, Morgane est là. Oui, allô, bonjour, ça va bien? Mais qu'est-ce que je fous à l'antenne? Je suis dans un autre studio, tout, là. Pas tout, ça passe. Morgane? Ouais, je vais vous envoyer Céline Dion? Non? Bon, d'accord. Céline Dion, non. Non, okay. Non mais là c'est pas normal, c'est qu'on a un problème, c'est qu'on a changé un truc dans le studio, c'est fait qu'on peut plus. Faut plus aller mettre tranche, faut pas aller mettre tranche. Morgane. Salut Gérard, ça va bien? Alors faites-vous l'amour pendant le remorquage et on met un disque. Jamais. Allez, Gérard, vas-y. Gérard, vas-y. Gérard, professionnel. Ouais, mais attends, c'est quoi ce bordel? Bah attends, tu vas bientôt être pro. Faites-vous l'amour pendant le remorquage. Attendez, moi j'ai pas répondu. J'ai pas répondu à la question. Ah oui, on voudrait savoir. Ah ouais. Donc moi, je peux vous dire que moi, j'attends pas moins d'un quart d'heure. Eh ben, j'étais à peu près dans le même tarif que toi. Hein. Ouais, mais moi, un quart d'heure, moi, je vais dire, je laisse la bagnole sur l'autoroute et je me casse. Hein. Ah bon? Alors, on t'abandonne ta bagnole? Ah non, ouais, mais moi, si c'est une panne que c'est trop long, puis que j'ai pas, je suis à côté de Narbonne et que le mec, il vienne, le mec, il me dit... Oui. Devant ton micro, Gérard, merci. Donc, moi, si je suis devant une borne, et puis que derrière, on me dise, bon, bah, on vient d'ici 10 minutes, un quart d'heure, je regarde alors que j'appelle. Bon, s'il te plaît, derrière, tu te calmes, merci. Je vais te passer. Hein? Donc, moi, quand j'appelle, j'ai bien une chose que j'aime bien qu'il soit là rapide. Et s'il n'est pas là à l'heure, vraiment, comment tu fais? Ben, s'il n'est pas là à l'heure, ben, je laisse le baigneur sur l'autoroute et je me casse. Et tu rentres comment? Je rentre à pied, là, en stop. Et c'est tout. Tu laisses ta bagnole. Ah oui? Bah, si tu payes, je sais pas combien pour la fourrière. Et alors, mais de toute manière, si c'est une vieille bagnole, désolé. Si tu attends 5 minutes sur l'autoroute, tu préfères laisser ta bagnole, t'as plus de bagnole. Ah oui, mais moi, je préfère la laisser, c'est tout. C'est tellement de bordel. Toi, t'es pété de thunes, alors tu vas te racheter une voiture, franchement. Oui? T'es friqué. Hein? T'es friqué, comme on dit chez nous. Non, moi. Moi, j'en ai rien à foutre. Moi, si c'est une bagnole qui est pourrie, et puis que faut attendre une demi-heure le dépanneur, je suis désolé. Hein. Et si c'est une bagnole neuve? Ah bah si c'est une bagnole neuve. Non mais si c'est une bagnole neuve, dans ce cas-là, j'appelle le numéro vert des trucs d'assistance. Et là, ils viennent tout de suite. Tu fais comment? Mais s'ils viennent après une demi-heure, tu fais comment? Ben, j'attendrai parce que la bagnole, si elle est neuve. Comme les voitures neuves sont sous garantie. Bah, justement, j'allais le dire. Comme les voitures neuves sont sous garantie, donc c'est à leur prix. C'est pas au prix des gens qui t'appellent. C'est à leur prix, à eux. Bah oui. Donc toi, tu paierais pas Attends, qui c'est qui me dit ça? Delphine. Oui, Delphine. Mais regarde, t'achètes une voiture neuve. Ouais. T'as un service d'épanage. Oui. Bon. Tu tombes en panne sur l'autoroute. Oui. Par exemple, t'as un problème de batterie, je sais pas, ou autre, problème de batterie, de bougie, n'importe quoi. D'accord. Bon, tu vois que t'as un problème que t'arrives pas à le faire. Oui. Donc t'appelles le service d'épanage, c'est à leur frais. Oui. Parce que ta voiture, elle est sous garantie. Oui. Quand tu l'achètes, elle est sous garantie, t'as une garantie, tu payes la garantie sur la voiture. Ça t'énerve pas, oui. T'es d'accord? Oui, je suis d'accord. Donc, dans ce cas-là, faut mieux attendre. Que la personne vienne. Oui. Pour savoir la panne. Oui. Si, par exemple, la panne est plus importante, il l'emmène, mais toi, tu payes rien. Oui. Donc, c'est ça leur prix. D'accord. T'es d'accord avec moi? Je suis d'accord avec toi. Donc, je pense que Delphine et Françoise, vous êtes d'accord avec moi toutes les deux. Non, mais le fait sur lequel je ne suis pas d'accord, c'est que tu laisses ta bagnole pourrie. Ouais. Voilà, c'est ça. Imagine, ta bagnole, elle est plus sous garantie, mais bon, elle est encore bien, quoi. Une bagnole de 5 ans, c'est bien. Si elle fonctionne, toi, tu la laisses parce que tu es plus sous garantie, tu vas payer. Ouais, mais dans ces cas-là, bon, ben, je sais pas, moi, on peut aller loin, hein. Ah, bah, tu vas loin, on va loin, hein. Bah oui, hein. Ouais, mais on peut aller loin, là. Non, si t'es en panne, tu peux pas aller loin. Sébastien. Mais quand tu veux savoir le niveau du réservoir, tu trempes quelque chose dedans pour avoir. Non mais attends, Sébastien. Ouais. Tu viens de dire coton-tige, d'accord? Mais non, mais un coton-tige, un truc, c'est un truc à niveau pour mesurer. Oui, non, mais attends. Dans ce cas-là, Sébastien, je vais faire le tour des questions et le tour de la question que Françoise veut dire. Donc, c'est moi qui vais commencer. Delphine, Françoise. J'ai pas compris, là, mais. Tu m'excuseras si je reprends ta question. Ah non, vas-y. Hein? Donc, avant de partir en vacances, par exemple, vous partez en vacances. Oui. Vous partez avec votre voiture. Oui. Quel niveau contrôlez-vous le premier? Niveau d'huile. Alors, qui Delphine. L'huile. Mais avec quoi tu mesures le niveau d'huile? Delphine, Françoise, s'il vous plaît. Sébastien. Oui. T'as pas de voiture? Si. Donc tu contrôles jamais ton niveau d'huile? Si, mais tu t'es emballé quand je t'ai dit avec un coton-tige, mais si tu perds la tige, tu peux le faire avec un coton-tige, un bout de bois, n'importe. Non, parce que dans ta voiture, tu as un niveau d'huile. Ça s'appelle une jauge. Donc tu peux savoir le minimum et le maximum d'huile qui te reste, d'accord? Ah oui, ouais, moi j'ai une vieille voiture. Ouais, d'accord. Donc Delphine, tu m'as dit l'huile. Sébastien? L'huile et l'essence surtout, quoi. Attends, Françoise. Ouais, d'accord. Attends, il dit l'huile et l'essence. Bah si je pars faire 400 bornes, je vais pas partir sur la réserve, quoi. Non, mais attends, d'accord. Non, mais en priorité. Bah oui. En priorité, tu contrôles? Bah oui, moi je te dis, je contrôle l'essence. Hein. J'ai pas envie de tomber en rade au bout de 50 bornes, quoi. D'accord, ok. Mais après, c'est les pneus. Cécile? Non, après, c'est l'eau. Cécile? Moi, t'as l'eau et t'as les pneus. Hein. Cécile? Le niveau d'huile. L'huile. Fanta? Le niveau d'huile aussi. Lola? L'huile aussi, ouais. L'huile. Et Françoise? L'huile. Donc, vous avez tous bien répondu, mais en fin de compte, ils ont gagné quoi? Non, mais moi, je vais vous répondre une chose. On a des images. Attendez. Va nous dire une chose. Ouais. Moi, je contrôle le niveau d'huile, les bougies. Waouh. Ah, non, mais attendez. Non, mais imagine qu'il a une voiture. Non, mais écoutez, s'il vous plaît. Allez. Sinon, je vais encore m'énerver. Vous voulez que je m'énerve? Non, vas-y. Vous voulez que je réponde aux questions? Oui. Vas-y, Gérard, réponds. Donc, je contrôle le niveau d'huile, le niveau de les batteries et les bougies. Niveau des batteries, pardon. Non, mais la batterie, c'est important. La batterie, c'est important. Pourquoi, Gérard? Sébastien, je vais te dire une chose. Oui. Que le jour où tu feras plus de 1000 bornes avec une batterie HS, tu me diras si tu peux mettre toujours ta voiture en marche. Ah non, mais je suis d'accord avec toi, avant de partir, je contrôle le niveau de les batteries, hein, c'est sûr. Donc, en premier, l'huile, les bougies, la batterie, le niveau de pneus. Les pneus, la pression des pneus, en l'eau. Et les bonbons à la menthe. Non. Surtout. Non. Ah oh bah si, c'est sympa, tu fais des bonbons à l'amande quand tu comptes. Non. Non, tu devrais en prendre, hein, c'est bon. Ouais. Puis ça fait plaisir aux gens quand tu leur parles. Non. Ouais. La laine. Alors faites-vous l'amour pendant le remorquage. Ça commence à être chaud, hein. Ça devient cul, attention. Faites-vous l'amour pendant le remorquage, Françoise? Oui, pourquoi pas. Si j'ai un bon partenaire pour me dépanner, ouais. Ah, j'ai bien joué, Françoise. Ok. Et c'est tout? Bah oui. Ah d'accord. Bah c'est à toi de t'imaginer, hein, si t'as un bon partenaire et un bon conducteur, l'autre il conduit, puis en attendant toi tu fais cracrac, hein. Non mais Françoise, ouais. Faites-vous, par exemple, tu tombes sur un remorqueur qui est sur un t'appelles un dépanneur. Ouais. Attendez, attendez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Françoise, ouais. Tu arrives, si, t'appelles un dépanneur. Ouais. C'est un dépanneur qui avec les deux les deux le système tu sais de fourrière. Hein? Sixième pour le système fourrière. Ouais. Tu sais les crochets là. Ouais. Bon, t'es tracté. Est-ce que tu peux même en ayant ta voiture en haut, est-ce que tu peux faire l'amour? En bas. Bah oui. D'accord. Lola. Ah oui. Lola. Ah oui, moi ça m'arrive régulièrement. Hein. De faire l'amour pendant que t'es remorqué? Ouais, d'ailleurs, si tu peux venir me remorquer, y'a pas de problème. Hein. Ah, ok. Oh, mais moi, c'est quand tu veux, hein. Ah, bah ouais, moi aussi. Hein. Quand tu veux, où tu veux, mais pas sous le tunnel. Pas sous le. Pas sous le pont d'Alma. Non, pas sous le pont d'Alma et ni sous le tunnel de Fourvière. Pourquoi? Ah, parce que je repasse 500 km aller-retour, hein. Oh, y'a bien 500 km jusqu'au pont de l'Alma. Hein, ouais. Comment? Tu tombes pas une quoi, tunnel de Fourvière? Non, mais même... Pourquoi pas sur le pont de l'Alma? Parce que j'en ai rien à foutre. Moi, je vais te dire une chose, je préfère te dépanner, par exemple, sous le tunnel... attendez que je me souvienne. Sous le tunnel... sous le pont de Neuillet. Bon. Moi, y'a la scène sous le pont de Neuillet. Vous réveillez ou quoi, la bande de potasse? Hein? Allez, hop. Allez, Gérard. Oh, bande de personnes. Alors là, Gérard. Eh, y'a un tunnel, hein, au pont de Neuilly, hein, je vous signale. Ah oui, mais on a... là-bas, nous. Hein. Ah, bah ouais. Non, ouais, mais si vous habitez les... Ouais, mais vous habitez où? Vous habitez tous... Bourges. Ouais, Bourges. La Bourges, ouais, c'est les bourgeois. Ouais, bah ouais, je suis une bourgeoise. Ouais, la bourgeoise. On va demander à Pantin de Paris. La parisienne. La parisienne. Non, je ferai pas l'amour, non. Pourquoi? Parce qu'elle dépanne, c'est une dépanneuse. Voilà. Ah, tu préfères dépanner, toi? Voilà. Ok. Ok. Cécile? Moi, ça m'est jamais arrivé, mais ça se pourrait. Non, mais tu peux parler plus fort, s'il te plaît. Ça m'est jamais arrivé, mais ça se pourrait. D'accord. Sébastien? Bon, ben, Phil Dépanneur est vraiment, vraiment mignon, quoi. Ouais, mais, je change. Admettons qu'on mette une nana à la place d'un mec au volant d'un camion. Ouais. Eh ben pourquoi pas? Je préfère un beau dépanneur à moustache, moi. Non, mais admettons. Non, mais c'est mon choix. Oui, mais d'accord, Sébastien. Mais admettons qu'on mette une nana avec une grosse foufoune. Ah, mais c'est même pas les filles. Non, mais attendez, Sébastien. Sébastien. Sébastien. Moi, je vais aller chercher le journal, hein, Gérard. Sébastien. Oui. Sébastien, admettons qu'on te mette une grosse foufoune à la place d'un mec avec un... Un choulette. Avec un sexe. Qu'on te mette une choulette, comme le dit si bien Amédée. Patrick Juvet, non, c'est Patrick Juvet. Non, Amédée. Ah, pardon. Amédée. Par exemple, tu prends une chounette, comme dit Amédée, baissez la culotte. Oh là là là là. Oh là là là là. Mais tu prépares. Non, mais c'est bon derrière, s'il vous plaît. Je demande à Sébastien qui réagisse. Sébastien, pour toi. Baisse la culotte. Sébastien. Ouais, bah je lui dis ça, ouais, je lui dis baisse la culotte, voilà. D'accord. Delphine? Ouais. Ça n'a rien à voir avec sa question, mais c'est pas grave. Non, ouais. Ouais, mais... Je dis au mec qu'on le fera après, et en fait, je me tire. D'accord. Non, bah, Gérard, si dans la dépanneuse il y a une grosse lunette, tu fais quoi? Goulou-goulou, hein? Ah bon? Goulou-goulou! Tu ferais Cocu Sandy donc? Ah ben, et si Sandy avec moi pour faire goulou-goulou, moi il n'y a pas de problème, moi, goulou-goulou, hein? Et plus c'est bon, hein? Ah bah, ouais, c'est clair, hein. Plus c'est bon. Ah, donc, soir. Oui? Tu vas poser la question, Gérard, tu vas mettre le disque là. Oui, mais attends, il y a Sébastien qui veut me poser une question. Ouais, vas-y. Allô, oui. Amédée, il va chercher son journal aussi, hein. Et je suis le copain de Cécile. Eh, hey, Gérard. Waouh. C'est qui, lui? Gérard. Je sais pas, c'est un habituel. Oui, Françoise. Gérard. Oui. Si tu emmènes Sandy automatiquement, c'est... tu fais une partout, là, à ce moment-là. Ah oui, mais si on tombe en panne avec Sandy, automatiquement... Je suis obligé de faire goulou-goulou. Ouais, mais devant l'autre partenaire. Ah bah, ça fait pratiquement une partouze. Eh ben ouais. Eh ben oui, et dimanche que samedi, elle sera d'accord. Ah ben, elle a pas le choix, la pauvre. Hein. T'aimes bien quand on te regarde? T'aimes bien quand on te regarde, Gérard, faire l'amour? Ah ouais, j'adore. Ah, il y a personne qui veut, il y a que Sandy qui me regarde faire l'amour. Donc, elle ferme les yeux des fois. Alors, là, est-ce que tu peux te regarder, Gérard? Gérard, t'aimes bien être filmé en faisant goulou goulou? T'as déjà fait des films de cul? Ah non, je mate pas des films de cul. Et Gérard, non, la question, la question c'était, est-ce que tu as déjà fait des films de cul? Non. Voilà. C'est vrai. Non, non, moi, j'ai pas de cul de vrai. Donc, la question, c'est une question à fil d'art. Ouais. Donc, avez-vous eu des problèmes avec un dépanneur sourd et muet? On se retrouve après et on s'écoute Dépêche Mode avec Eau de Javel ou Hormones. C'était Dépêche Mode avec Eau de Javel aux hormones et vous pouvez toujours nous appeler au 0800 08 5000 et 0800 0803 70 5000 08 5000 et pour les Belges 0331 non, ils dorment les Belges 47 79 5000 et toujours le 3615 code Pen Radio rubrique directe s'il vous plaît. S'il vous plaît, réveillez-vous, parce que là on est deux connectés, la semaine dernière on est arrivé à presque 60, alors réveillez-vous sur le minitel, s'il vous plaît. Tu leur as crié dessus tout à l'heure Gérard, sur le minitel, donc ils n'osent plus venir te parler. Oui, non mais sur minitel, d'accord, mais il y a des questions qui n'ont pas le rapport. Ouais, et on est bien d'accord Manu. Est-ce qu'ils ont, Gérard, je suis d'accord avec toi, c'est toi le chef. Ce qu'ils ont qu'à faire, c'est qu'ils ont qu'à mettre leur réveil, comme ça ils se réveilleront. Donc qu'ils se réveillent, s'il vous plaît. Mettez votre réveil pour 2h05 et puis comme ça 2h05. Voilà, donc avez-vous eu des problèmes avec un dépanneur sourd-aimé? Ça c'est une question à fil d'art, donc on va récupérer Françoise. Oui, je suis là. Donc Lola. Oui, je suis là. Fanta. Oui, je suis là. Cécile. Je suis là. Oh là. Oui. Et Cécile, t'as un téléphone pourri. Quoi, j'ai un téléphone pourri? On dit rien. Elle est pas avec un portable? Non, un vrai numéro. Sébastien. Oui. Et Delphine. Je suis là. Qui c'est qui a de la musique derrière? C'est pas moi. Non, c'est parce que la porte est ouverte, Gérard, parce que tu as besoin d'air. Donc, avez-vous eu des problèmes avec les panneurs sourds et muets? Donc, on va sourds et muets. On va demander à Delphine. Ouais. La question. Non, moi je sais pas. Quoi, Sébastien? Attends, Delphine, avant de répondre. Qu'est-ce qu'il y a, Sébastien? Non, mais il y a une chance sur un million là que ça arrive ton truc. Non, mais attends, Sébastien. Sébastien, dans ces cas-là, tu vas avoir plus d'art. Non, Sébastien. Sébastien, s'il te plaît. Il y a une chance sur un million. Non, mais Sébastien, s'il te plaît, tu me laisses finir. Tu vas voir Fulgar, tu vas lui demander gentiment qu'est-ce que c'est que cette question. C'est Fulgar qui me l'a demandé. D'accord? Donc, ok? Ouais, Sébastien, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Ouais. Alors, Delphine? Oui, moi je te disais que je parle le langage des sourds-aimés. Donc, en plus, quelques notions, tu sais, pour me faire comprendre. Donc, si tu veux, je t'entraîne pour dire je suis un fan. Attends, Delphine. Plus tard, ça n'est pas dans le micro. Tu prends gentiment, tu lui demandes. Non, si je ne comprends pas, ben. J'ai même fait la bise avant de le prendre. Non, mais tu y expliques. Non, mais c'est tout. J'étais en train d'expliquer. Si la question ne lui plaît pas, il ne veut pas répondre, dans ces cas-là, il me dit je m'abstiens, et c'est tout. D'accord. Voilà, c'est tout. Non, mais je vais expliquer pourquoi on peut avoir des problèmes quand on tombe sur un dépanneur sourd et muet. Oui, mais dans ces cas-là, s'il ne veut pas répondre, s'il me dit que la question est bidon, dans ces cas-là, qu'il me dise je m'abstiens. C'est tout. Ouais, et il s'assoit aussi. Voilà. Donc, alors, Delphine? Oui, donc je te disais que je parlais le langage des signes, machin. Et donc, pour dire, par exemple, je suis en panne, pouvez-vous me dépanner? Tu mets ta main, tu formes un puits avec tes doigts, tu vois? Tu le mets sous tout ton menton et tu montes et tu descends. Ça, c'est pouvez-vous me dépanner. Pour dire, par exemple, jauge à huile, tu mets ta main à plat, tu écartes les doigts et tu baisses l'auriculaire. Non, pas l'auriculaire, le majeur. Et tu montes et tu descends. Et ça, ça veut dire jaugeable, par exemple. Ah ouais, mais je vais dire une chose, celui-là, c'est celui que les hommes, ils emploient tout le temps pour faire la part... Bah, pour réchauffer la bonne femme, bah oui. Ouais, c'est celui qui, que tout le monde emploie pour dire, bon, bah, va te faire foutre. Vraiment, si tu le mets vers le bas, là, pas vers le haut. D'accord, ok. Donc, Sébastien, c'est calmé maintenant ? Oui, je lui ai expliqué, il est tout à fait prêt à répondre. Donc, alors, Sébastien ? Donc, en fait, je me suis dit, bon, je tombe en panne, j'appelle le dépanneur. Et donc je l'ai au téléphone, il est sourd et muet, c'est ça, je lui explique. Mmh. Donc il vient. Ouais, oui, mais s'il est sourd et muet, il va pas t'entendre. Il peut pas t'entendre. Alors comment je fais pour l'appeler, ouais. Bah voilà, et comment il fait pour venir déjà? Parce que moi je peux pas l'appeler, il va pas m'entendre au téléphone. Bah automatiquement. Mais attendez. Françoise. Oui. De manière, avant tu tombes sur que t'es sur la borne. Ouais. Donc automatiquement tu tombes sur le service de la gendarmerie. Ouais. Donc là, il t'envoie le dépanneur. Ouais, d'accord. Mais le dépanneur, il va pas entendre puisqu'il est sourd et muet. Ouais, mais c'est pas grave, il peut conduire. Mais il entendra pas le message qu'on va lui donner. Mais non, mais les gendarmes, ils connaissent le langage des signes. Hein. Mais non, parce que le dépanneur, ils vont l'appeler sur son portable, bah, oui, la TV pour lui expliquer. D'accord. Tu vois, Gérard, pourquoi je te disais que c'est bizarre? Bah, ouais. Explique-leur, Gérard, pourquoi c'est possible. Non, mais je vais voir, je vais continuer. Je vais demander à Cécile. Non. Ça m'est jamais arrivé. Ça t'est jamais arrivé. Tu peux parler un petit peu plus fort devant ton combiné, s'il te plaît? Je gueule. Non, mais tu retires ta main. Parce que là... Non, j'entends qu'elle, moi. C'est pas ma main. Non, mais... Oh là là, elle a pas mis sa main. Non. Bon, Fanta? Non, ça m'est jamais arrivé non plus. Toi non plus. Françoise? Bah, je t'ai répondu, hein. D'accord. Moi, je peux vous dire une chose que... Non, vas-y. Non, on nous dit que dans le cas d'un certain animateur du jeudi soir, ce serait bien qu'il soit sur les muets sur l'antenne. Ouais. Et c'est Gork. Ouais, s'il y avait un cheval sur l'autoroute. Ouais. Comment on fait si on est à cheval sur l'autoroute? Voilà, ouais. Non, mais ça, je peux pas vous ça, dire. C'est une bonne question, Françoise. Ça, c'est une très bonne question. Là, t'appelles un dépanneur pour chevaux. Hein. Voilà. T'appelles... T'appelles... Il y a même un service hippique. Non, un dépanneur de deux chevaux. Pourquoi il n'y a pas des dépanneurs de coccinelles? Parce que c'est pas la saison. Alors, pour une panne de cœur, alors là, je pense que ça va faire beau plaisir aux nanas. Oui. Malgré qu'on a Sébastien. Uh-huh. Pour une panne de cœur, appelez-vous un dépanneur. Mmh. C'est sûr, Gérard, il a réfléchi, hein. Attendez, 5 minutes. SOS, Gérard. S'il vous plaît, on va demander à Françoise. SOS détresse. SOS détresse. Ok. Pourquoi? Bah parce que au moins il me conseille. Pourquoi j'ai un gros mal de cœur. Oui, mais pourquoi? Eh ben, si par exemple, je suis fâchée avec mon chéri, par exemple, un exemple, ouais. Alors je demande conseil, et puis à ce moment-là, ça repart aussi sec. Ah oui, je comprends. Moi, qu'est-ce que t'en penses, Gérard, de ce qu'elle vient de te répondre? Non, mais on va demander à Lola. Fanta, moi j'appelle Gérard. Non, mais Lola. Attends, ouais. Fanta. Attends, Lola. Lola, oui. Lola. Ben moi aussi, je t'appelle, hein. Ouais, mais tu m'appelles dans quelles circonstances? Ah ben, si ça va pas et tout, avec mon mec et tout, s'il me largue, je t'appelle. Mm-hmm. Et puis après, on fait crac-crac toute la nuit. Ah, ok. Ok, on fait goulou-goulou? On fait goulou-goulou, ouais. Ah, ok. Fanta? Ben, moi, je t'appelle, comme ça, ben, tu le remplaces. Ah, ben, voilà. Je remplace qui? Ben, mon mec. Non, mais, pour une panne de car, appelez-vous un dépanneur. Ben non, je t'appelle toi. Ouais, mais moi, si je suis pas dépanneur. Ben, tu pourras me conseiller. Ah ouais, mais c'est que c'est pas évident de... Et toi, t'as ton diplôme, toi, pour réparer un cœur. Ah, mais moi j'ai mon diplôme pour réparer un cœur. Ah ouais, c'est mon cœur. Réparer mon cœur aussi, on sait jamais. Ah non, mais moi, j'ai qu'un cœur à dépanner. Mais non, c'est pas... On dit, hein. Ah bah oui. Si mon problème, tu pourras le réparer. Ah bah, tu me l'expliqueras tout à l'heure à la prochaine pause. D'accord. C'est Fanta qui vient de me dire ça. Voilà. Ok. Cécile? SOS Gérard. Eh oui. Mais pourquoi? Attendez, s'il vous plaît. Non, mais quand vous dites SOS Gérard, dites-moi pourquoi. Parce que t'es le meilleur. C'est le meilleur. Elle t'aime tous, les meufs. On t'aime. On t'aime. On t'aime. On se calme. Ils sont folles de toi, Gérard. Elles veulent ton corps. Elles veulent lécher ton sexe. Mais lécher tes pétons. Te mettre des mains au cul. Ouais, ouais, on peut aller en matière. Non, il n'y a pas un truc. Laisse tomber, Gérard. C'est pas grave. Donc, Sébastien. Ouais, bah moi je rappelle le dépanneur qui m'avait déjà dépanné s'il m'a plu, quoi. Ouais, d'accord. Delphine, pour finir. Moi, j'ai une panne de cœur, j'appelle pas un dépanneur, j'appelle Fred, c'est un copain. Ah, ok. Ah, bah moi je peux vous dire une chose, que si j'ai un problème de cœur. Bah t'appelles samedi. J'appelle pas un dépanneur, j'essaye d'appeler mon chef, voir s'il peut faire quelque chose. J'appelle mon chef, ou sinon j'essaye d'aller me consoler vers les voisines. Tu vas avoir une pute? Oh non. Sinon tu vas me voir, Gérard. Tu viens me voir, Gérard, hein. Y a pas de problème. Ah bah, tu peux venir me voir, hein. C'est Lola. Non, c'est Fanta, tu viens me voir, moi. Non. Voilà, de manière, n'ayez crainte, je vais m'occuper de vous tout à l'heure, à la prochaine. Waouh, ouais. Tu commences par moi, Gérard. Et comment? Attendez, Sébastien. Non, Gérard, Sébastien. Moi, Gérard. Oh, non, s'il vous plaît, là. Oh, on s'est calmé, les chéris. Pas moi, hein. On s'est calmé, les chéris. Merci, Gérard. Qui c'est qui veut pas? Delphine, tu viens pas. De toute manière, j'irai pas jusqu'à Bourges, hein. Moi, je veux bien, hein. Moi, je veux bien, moi. D'accord. Non, j'irai pas. Ok, jusqu'à Lille, alors. Moi, je veux venir jusqu'à Paris, moi. Je reviendrai à toi, Gérard. Attends, qui c'est qui habite Lille? C'est Lola. Qui c'est qui habite Lille? Cécile. Oh non, mais moi je veux pas dans le Nord et ça va pas. Et moi, Gérard. Dans le Nord, c'est encore pire. Non, mais même Bourges et Blois, j'irai jamais vous voir. Hein. Non, mais j'habite à côté de Paris, j'y vais tout le temps, moi. Non, mais attends, toi Lola, t'habites Blois et attends, et à Blois, c'est mais, bon. Et ça, c'est pas loin de Paris, je vois. Ouais, moi, ça m'intéresse pas. Je travaille tous les jours, je travaille. Non, mais ça m'intéresse pas, moi. Gérard, il monte samedi tous les soirs. La prochaine question, Gérard. Et moi, Gérard, j'habite pas loin de chez toi, tu viens me voir, non? Moi aussi, j'habite pas loin de chez toi, j'habite à Paris. Ouais, bah c'est bon. Ouais. Non. Non, moi je préfère me soulager tout seul. Quand vous payez. Moi je veux soulager, moi. Moi aussi. Bon, ça y est, je me fais pas dépanner par un mec, je me fais dépanner par Gérard, un mec. Oui. Gérard. Oui. On se voit demain. Qui? C'est Lola. Où? À Paris. À Paris? Ouais. Mais j'habite déjà à Paris, comment tu veux qu'on me voie, comment tu veux qu'on se voie? Bah parce qu'elle va y aller, je pense. Voilà. Hey, j'y vais, c'est dans les Ardennes. Non, mais je vais demain à Paris, on se voit. Ah, tu vas à Paris demain? Ouais. Ah, mais moi, demain, je fais dodo. Mon dada, tu sais, c'est de faire dodo. Ouais, c'est ça. Une goulou. Ouais, c'est dodo, ça. Goulou. Et quand est-ce que tu prends tout ça? Bon, quand vous payez le dépannage, payez-vous à crédit ou carte bleue? Je paye en nature. Ouais, exactement. Alors qui? Ouais, mon équipe qui a répondu pour les filles, c'est préférable de payer en nature. Non, c'est pas en nature. Ouais. J'ai modifié. Ah d'accord, attends, modifié. T'as modifié la question, mais c'est pas grave, c'est laquelle? Non, mais j'ai changé le chiffre. Attends, donc, Françoise. Bah, pour nous les femmes, c'est préférable de payer en nature. Hein. Ouais. Pourquoi? Ah ouais, ben ça, c'est sûr. Ouais, d'accord. Ça coûte moins cher. Ouais, ça coûte moins cher. Non, mais payez-vous à crédit ou aux cartes bleues? Nature, pour tout le monde. Nature. Donc, pour toutes les femmes, c'est nature. Ah ouais. Ouais, ben ça, vous êtes vraiment des cochons, hein. Ah, vous êtes vraiment des cochons. Attendez, Gérard, on paye en nature. Ouais, mais attendez, dans ces cas-là, vous allez voir n'importe qui, puis vous lui faites voir votre foufoune. Exactement, sans problème. Oh là là, Françoise, je ne croyais pas comme ça, ma cochonne. Eh, il faut qu'elle sorte de temps en temps. Bah oui. Eh ouais, mais après tu vas dire, ouais, Gérard, il t'a insulté. Mais là, je te dis, je ne te croyais pas comme ça. Bah, j'ai jamais dit ça encore. Ça arrive pour le moment, Françoise. T'es vraiment une cochonne, Françoise. Hein? T'es vraiment une cochonne. Bah, elle a raison. Elle a raison pour protéger. Et toi, si t'avais pas ta carte bleue sur toi, admettons que tu pars sans ta carte bleue sur tes programmes. Mais pas moi. Ah, mais c'est clair. Mais sans ton chéquier aussi, parce que t'en as pas non plus. Mais est-ce que tu payerais, toi, en nature, si la dépanneuse. Ah non, je me casse. Je me casse tout de suite, moi. Ah, tu payes pas? Non, moi, j'ai Zobie, moi, je m'arrache. Mais si c'est une nana, mon peur, je râle. Ah, si c'est une nana, si elle est belle, qu'elle est comme Sandy, c'est une goulou. Non, moi, quand on va regarder dans mon moteur, si elle est belle, moi, c'est une goulou par derrière. Ouais, mais tu sais, Gérard, il n'y en a pas beaucoup des comme Sandy, hein. Bah ouais, on a qu'une nana de... Je sais pas où t'es allé, là. Charlie, mais comme un dépanneur. Bien vu, hein, ça c'est clair. Même, on peut dire comme une dépanneuse, hein, mais le véhicule. elle me dépanne, n'empêche. Hein. T'as plus qu'elle vient de crocher un crochet au cul. Ouais, mais elle l'a déjà, je crois. Oh, toi, un crochet, toi, attends. Bah, quand tu vas à la pêche, folie. Quand tu vas à la pêche, avec un petit absent. Avez-vous des fantasmes avec un dépanneur? Oula. C'est dingue, ça. Avez-vous eu des fantasmes avec un dépanneur? Non, mais j'en ai avec toi. Bah, si c'est toi qui es, si c'est pas le dépanneur, bah pourquoi pas. Ah, voilà. C'est ce que j'attendais. C'est qui disait ça? Ouais, ça m'aurait étonné. Et Lola aussi. Ah, ça m'aurait étonné. Françoise? Eh bah, pareil. Bah oui, je suis pas la seule alors. Ah, bah ouais. Pourquoi tu pas la seule alors? Pourquoi tu es pas d'accord, Françoise? Dis-moi. Je n'ai pas dit que j'étais pas d'accord, j'ai dit d'accord. D'accord. Je suis d'accord. C'est grave. Ouais. Lola. Oui. Ben moi, je t'imagine dans mes rêves en dépanneur et je rêve de toi tous les soirs. Moi aussi. Oh là là, c'est des fantasmes. Oh là là. Si t'étais le seul dépanneur de la France, je tomberais tous les jours en panne. Ah ben ouais, moi aussi. Mm-hmm. Hein. Ah, alors, je vais vous dire une chose. Oui. Que je suis sur l'autoroute. Mm-hmm. Ouais. Je suis sur le bord de l'autoroute. Ouais. Et j'attends le dépanneur. Réponse C. Oui. Ah. J'attends le dépanneur. Ouais. Oui, je l'attends, je l'appelais il y a à peu près, là il est, on va prendre là. Ouais, bah, tu l'attends quoi. Ouais. Il est 2h15. Oui. Et si je vois qu'à 2h20, il est pas là, même 2h17, il est pas là, je m'en vais. Mais tu laisses ta bagnole. Ah oui, je laisse. Encore ? Bah ouais, il laisse sa bagnole, il est là. On laisse la thune, quoi. Mais c'est pas la question de... C'est pas la question, Gérard. Mais, Françoise. Oui, Françoise. Attends, parce que tout le monde parle, là. J'ai pas compris, là. Françoise. Oui. Tu serais pas une cochonne si t'as déjà eu des fantasmes avec un dépanneur? Bah, oui. Oui. Ouais. Un petit peu, quand même. Un petit peu, quand même. Mais tu serais pas une petite cochonne? Non, Françoise n'est pas une cochonne. Françoise n'est pas une cochonne. S'il vous plaît, elle a raison. S'il vous plaît, Lola Ponta. Lola Ponta, Cécile et Delphine. Et Sébastien, vous vous taisez. Oui. Je rigole avec Françoise. Pour une fois que je l'ai dans mes débats, j'ai envie de rigoler avec elle. Tu ne serais pas une petite cochonne, la petite Françoise? Il ira. La petite Françoise? Il ira. T'aimes bien les framboises à la chantilly? À la nuit, hein. À la nuit. Ouais. Oh, Sébastien, s'il te plaît. On se calme. T'es vicieux, quand même. Hein. Ah, ouais. C'est normal. Depuis le temps qu'elle a pas participé dans mes débats, faut bien que je la taquine un peu. Bah, tu peux lui dire maintenant que tu l'aimes. Bah, faut lui dire que tu l'aimes, Gérard. Mais non, mais moi, ça y est, elle sait que mon cœur, elle est pris. Ah, ouais, non. Tout à fait. Tu l'aimes, François. Un petit Françoise adoré. Ouais. Et bientôt Sandy, elle va dégager, hein. Non, Sandy, c'est très bien. Donc alors, Françoise, pourquoi Sandy, elle garde le môme. Donc alors, pourquoi? Allez. Non, Françoise. Françoise, là, on rigole un petit peu. Maintenant, on va y aller sérieux. Ouais, vas-y. Avez-vous eu déjà des fantasmes avec un dépanneur? Allez. Non. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Bah parce que j'ai jamais eu l'occasion d'avoir de tomber en panne et puis à appeler un dépanneur. Ouais, donc c'est donc, j'ai pas pu avoir un fantasme avec un dépanneur. Mais si l'occasion se présentait, peut-être ça serait ma chance. Ouais, mais Sébastien. Non, je voulais savoir si Françoise avait une voiture. Mais non, elle a pas une voiture, c'est son fils. C'est son fils qui conduit. Ok. Donc tu vois, donc Sébastien, c'est pas la peine de couper la parole. Ok. Lola. Oui. Oui. Lola. Oui. Bon, t'as compris la question? Oui. Bon, alors. Je t'ai dit, hein, que moi, je t'imaginais en dépanneur et que j'ai des fantasmes de toi, quoi. Ok. Quentin? Bah, j'ai bien répondu. J'ai dit que si c'était pas le dépanneur, pourquoi j'aurais des fantasmes? D'accord. Cécile? Oui, moi, j'ai déjà eu des fantasmes. Et ça a duré combien de temps? Maintenant, 3 minutes. Ça a duré combien de temps à peu près? 2 jours. Ah, oh là là. J'en fantasme encore. Hein? Moi, ça fait un an. Ok. Sébastien, t'as répondu? Ah bon? Ouais, j'avais dit que j'attendais 5 minutes. Ouais. Donc, Delphine? Bah, moi, si le dépanneur est un grand blond d'un mètre 84, oui, j'ai des fantasmes. Hein? 1m84? Oui, par exemple. Attends, Gérard note. Gérard note. Attends, 1m84, tu te rends pas compte de l'asperge? Bah, Gérard, non, Gérard, Gérard, mon copain, il fait 2 mètres 2. Non, mais Gérard, je parle pas de ton sexe. Qui c'est qui a un copain de 2 mètres 2? Moi, Fantin. Hein? Oui, 2 mètres 2, il met du 56 au pied. Oh putain, ça fait pas grand-chose. Mais on dit pas putain, hein. Pardon, excuse-moi. On dit maman travail. Maman travail. On dit Gérard. On dit Gérard. Sébastien, t'arrêtes s'il te plaît de tes conneries. Et au standard aussi, s'il vous plaît, merci. Ok, c'est bien. Hein? C'est moins de mal. Oh, Non, mais vous restez calme. 2 mètres 2, je vais te dire une chose. Il fait de combien en pointure sans indiscrétion? 56. 56? Ouais. Attends, il va chercher. Tu y as chez tout, c'est pompes. Mais non, il a chez Adidas à New York. Prends mes sacs de sport. D'accord. Ben moi, je peux vous dire une chose, que j'ai jamais eu de fantasme. Par contre, j'ai pas répondu à la. C'est impossible. Hein? C'est impossible. Non, mais de toute manière, j'ai plus de voiture, donc je peux pas avoir des fantasmes. Est-ce que t'as eu des fantasmes quand t'étais en camion? Non. Est-ce que t'es déjà tombé en panne avec ton camion, en fait? Jamais? Ça, tu faisais bien les révisions et tout, alors? Non, c'est la société qui s'en occupait. Ah, d'accord. D'accord, donc t'as jamais eu de fantasme quand tu conduisais la nuit dans ton camion La nuit, je pars, je m'arrête sur les bords d'autoroute pour manger, faire mes pauses normales. Hein, bon, journal, c'est pas clair. T'as déjà pris une bonne sœur en stop? Hum? Est-ce que t'as déjà pris une bonne...